Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce nouveau hors-série de la courte échelle. Les hors-séries de la courte échelle, c'est l'occasion de se replonger dans notre discothèque puisque nous en sommes à la troisième saison. Eh bien, vous le savez, énormément d'artistes ont été découverts par l'intermédiaire de la courte échelle chaque semaine. Le rendez-vous hebdomadaire vous permet de retrouver les nouveautés. Le rendez-vous hors-série, eh bien, vous permet de retrouver les titres qui vous ont plu dans le début de cette émission. On va commencer celle-ci par un garçon qui s'appelle Alain Vicente. Il est artiste, chanteur, interprète. Il a découvert la musique depuis 1990 et depuis il s'intéresse à la chanson française. Le voici avec l'instant présent, Alain Vicente. C'est le cadeau de vivre au bon moment, en rupture d'équilibre, avec ces gens qui font d'un homme libre un prisonnier du temps. L'instant présent, c'est le bonheur de dire ce qu'on ressent et l'envie d'accomplir en cet instant ce qui reste à construire. Chercher à tricher, passer en meilleur futur compliqué, prendre le temps d'apprécier ce qui est, et bientôt ne sera plus. L'instant présent, c'est de pouvoir choisir, chemin faisant, la direction à suivre en cet instant et savoir lâcher prise aux souvenirs épuisants. L'instant présent, c'est savourer le vivre dès maintenant sans que tout parte en vrille. Passer en meilleur futur compliqué, prendre le temps d'apprécier ce qui est, et bientôt ne sera plus. L'instant présent, c'est quand on réalise que c'est touchant de voir que s'éternise. French Crooner est un chanteur, bien évidemment, sinon il ne serait pas dans la courte échelle. Il était dans la première saison de cette émission. C'est avant tout un artiste polyvalent qui est à la fois sur scène dans des pièces de théâtre ou au petit écran dans des séries télévisées ou des films. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. soleil le jour, étoile la nuit. Pour son idole, pas de répit. S'il court le jour, elle brille la nuit. Donc nuit et jour, ses yeux scintillent. Depuis toujours, il vit pour elle. Pour son glamour, ses ritournelles. S'il fait de l'humour, elle bat des ailes. Lui, troubadour, elle est Angel. La diva chante, elle est sublime. La voir danser le réanime. C'est un enfant devant un mime, un prétendant qui fait des rimes. Le fil d'Ariane qui les relie. Lorsqu'il fait l'âne, qu'elle lui sourit. Est en titane, pas de soucis. C'est en rêvant qu'il lui écrit. Lorsque parfois elle est loin de lui. Quand il voyage, chacun sa vie. File des images dans son esprit. Celle d'un mariage et d'un cœur pris. La diva chante, elle est sublime. La voir danser le réanime. C'est un enfant devant un mime, un prétendant. Ambre a participé à une émission de télévision qui s'appelle Nouvelle Star sur M6 en 2017. La voici pour vous avec Bakchiche. Je vais, je viens, je suis un attaché case en mission. De corruption, de sous-main, de commission. À la douane, je m'ouvre, montre mes entrailles. Bien rangé, je dévoile les dessous de ma maîtresse. Le douanier fouille et transpire, perd la raison. Mais mon double fond reste sans faille. En cuir, en croco, incognito, bakchiche. J'achète le vice et la vertu. En cuir, en serpent, sournoisement, bakchiche. J'achète la liberté, la soumission. Avec mon escort girl, tailleur et talon aiguille. En première classe, je voyage sur ces barésies. De dollars, de yens, des euros, je suis remplie. Mais ses mains jamais, jamais ne m'oublient. En cuir, en croco, incognito, bakchiche. J'achète le vice et la vertu. En cuir, en serpent, sournoisement, bakchiche. J'achète la liberté, la soumission. Un déjeuner d'affaires à heure convenue. De ses cuisses je glisse vers des jambes inconnues. Le pot de vin distribué, l'addition réglée. Sans devise je retrouve les bras de ma maîtresse. En cuir, en croco, incognito, bakchiche. J'achète le vice et la vertu. En cuir, en serpent, sournoisement, bakchiche. J'achète la liberté, la soumission. Dans un palace nous attend une ambassadrice. Ma maîtresse devise avec notre interlocutrice. Le contact passe, d'une main elle se caresse. De l'autre, elle partage mes largesses. En cuir, en croco, incognito, bakchiche. J'achète le vice et la vertu. Elvis avait un père qui était chanteur et batteur. C'est lui qui lui donnera le goût de la musique. Le voici avec Surnaturel. De nos transactions, des diamants tapissent mon double fond, bien serré entre les mains de ma maîtresse. Je reviens vers Paris pour de nouvelles bassesses. La courte échelle. On la croit facile, aussi belle qu'un rebelle. Je craque sur son style, désinvolte, sensuelle. Elle me rend fébrile, je ne peux m'approcher d'elle. Je reste immobile, pour moi elle est irréelle. Elle me dévisage, je cherche à fuir son regard. Cet air qu'elle dégage, sur son corps de superstar. C'est presque une image, une sirène de magazine. Je n'ai pas le courage de lui dire qu'elle me fascine. Surnaturel, tous les hommes me parlent d'elle. Surnaturel, tous les hommes me parlent d'elle. Elle n'est pas d'ici, pas prise au radar. Allume l'incendie, puis soudain se barre. Entre deux orages, elle dort sur la plage. De bip au message, elle n'est jamais sage. Elle joue, elle déjoue tous ses rendez-vous. Amour intouchable, elle caresse le sable. C'est irrespirable, je la sens. À l'âge de 15 ans, Juline a connu la scène au cours d'une tournée d'été sur le plateau d'une radio nationale. Chaque soir, elle chantait devant plus de 5000 spectateurs. Un jour nouveau, la voici avec John Norris. You are far away. I'm born again into another day. And I tried it all to know what's hidden behind part of me that lead up to my mind. And I'm so close to find a way to tell my truth. I had to say vers un jour nouveau. Je suis parti.

des cacahuètes un petit peu salées. Le Gentleman Country, il nous vient du Québec, il s'appelle Jack Mélenchon, on l'a découvert dans la saison 2 de La Courte Échelle. Voici Chacun reprend sa vie. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ça y est, c'est terminé, j'ai pâté mes affaires. J'ai tout essayé, mais y a plus rien à faire. Il retourne chez son père, moi je m'en vais chez ma mère. Fini les niaiseries, chacun reprend sa vie. Au début, je me souviens que tout allait très bien. On passait nos soirées en son collé-collé. Mais après quelques mois, elle s'est mise à changer. J'aurais dû me méfier au lieu de succomber. Ça y est, c'est terminé, j'ai pâté mes affaires. J'ai tout essayé, mais il n'y a plus rien à faire. Elle retourne chez son père, moi je m'en vais chez ma mère. Fini les niaiseries, chacun reprend sa vie. Et vous l'aimez ma vie, choisir mes amis. Je ne pouvais plus prendre ma bière, car elle n'aimait pas ça. J'aurais dû écouter les conseils de ma mère, quand elle disait « Tigor, t'es trop vite en affaire. » » In the Sky est un groupe de pop acoustique aux influences folk. Ils sont originaires de La Réunion. Nous les avons découverts dans la première saison de La Courte Échelle avec Autour de toi. Let's talk about myself. Contrôle pas. Balance of your world. Talk about myself. Service compris ou pas. The world of your world. L'océan de tout moi. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, beware of your tongue. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, listen to this song. Défense ou pas. Exploring the idea. L'autre devant toi. Let's talk about myself. Mais même je ne suis pas. Hanging on your lips. Élevé le débat. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, beware of your tongue. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, listen to this song. Contrôle ou pas. Balance of your world. Tourne autour de toi. Let's talk about myself. Service compris ou pas. The world of your world. L'océan de ton moi. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, beware of your tongue. I'm flying away. When I pick up the phone. Speaking along, listen to this sound. Dans les années 70, 1970 bien sûr, un groupe cartonné en tête des hit parades, il s'appelait The Chocolates, avec notamment un tube qui était Brasilia Carnaval. Et bien le bassiste du groupe s'est remis à la composition, il s'appelle désormais Gitman avec Sky. Retrouvez tous ces artistes et bien d'autres chaque semaine dans La Courte Échelle. On the stars, I died myself in the sky. Don't get back, just don't dwell. À courte échelle, que ce soit l'émission hebdomadaire ou le hors-série, eh bien, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Arrive maintenant Layla avec For You. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine, des talents à découvrir. You're the light to my night. You're the smile of my life, even though the dark to my soul. Auteur, compositeur, interprète, Anthony Courtois chante depuis l'âge de 10 ans et même si, au vu de la saison, ce n'est plus trop d'actualité, voulais-je dire, le voici dans la chaleur de l'été. Quand on voit tout ça, ça ne donne pas envie d'y croire. À quoi bon bosser, travailler? Sortez-moi de là, je veux pas y aller. Et toutes ces manifestations, jamais content de toute façon. À quoi bon râler, militer? Bien loin de là mon intention. Alors viens danser dans la chaleur de l'été, t'enivrer sous les cocotiers, sable blanc, soleil et nu-pied. Oh, alors viens danser dans la chaleur de l'été, t'enivrer sous les cocotiers, sable blanc, soleil et nu-pied. Vous êtes juste un peu perdu, et bien sachez que vous êtes à l'écoute de La Courte Échelle. Juste un peu perdu justement, c'est le titre que nous interprète Jelin McCarthy. Oh, dans la chaleur de l'été. On a repris chacun sa roue, chacun ses angoisses et ses doutes. Au fond, chez qui l'amour s'est fatigué. On a repris chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes. Chacun a masqué son chagrin pour faire comme si tout allait bien. Yeah, yeah, yeah, yeah. On se reverra bien un jour, on se reparlera. On a vécu ce qu'on n'a pas voulu. On se reverra bien un jour, on se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas voulu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour.

Le monde d'après, qu'on nous avait promis au début des événements que nous vivons depuis quelque temps, existera-t-il un jour? En tout cas, il est chanté par Chris Merlin. Et que nos lendemains s'étiolent, il est temps de se redresser, la tête haute, le poing levé. Première saison de La Courte Échelle que nous avons découvert Claire Ciel. Elle suit depuis son petit bonhomme de chemin, tranquillement. La première chanson avec laquelle on l'a découvert, c'était Incident of Love. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Try to betray me, I will, I will, I will. will believe you if you try to deceive me. I will forgive you. C'est avec Christophe Darras qui était là lors de la première saison de La Courte Échelle et La Nuit Étoilée et que va se terminer ce hors-série. Seulement la nôtre sublimée. Par la pluie d'été, ta peau douce et tendre légèrement mouillée. La nuit étoilée, la nuit étoilée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans l'émission hebdomadaire avec les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. Et voir dans tes yeux les étoiles briller. Un nouveau hors-série, c'est pour bientôt, rassurez-vous. On se retrouve dès que possible. Soyez heureux et à très bientôt. Chaque semaine, découvrez dans La Courte Échelle le meilleur de la scène indépendante.